si tu m'aimes. La famille c'est pour la vie. On a grandi dans des lieux étroits, c'est ce qui fait qu'on est proche. Quand les gens passent, on chuchote, donc maman pense qu'on est fou. On s'aime tellement qu'on se déteste, ouais ça paraît idiot. On s'insulte pour rien, qu'un bijou qui était au frigo. Envahi par les cousins, assiégé par la zermine. Tu peux quitter la maison, mais pas le livret de famille. Quand une personne fait tes bonjours, comme lui dire au revoir. Une pluie d'amour, j'ai dit maman, je pourrais pas vivre sans toi. Maman dis-moi si tu m'aimes. Si tu m'aimes, serais-tu moi si tu m'aimes? La famille c'est pour la vie. On s'embrouille quelques jours, mais on se rapproche avec le temps. Tu peux stopper une amitié, mais t'arrêtes pas les liens du sang. Bêtise sur bêtise, toujours un qui prend des coups. Le linge sale se lave en famille, mais les voisins ils entendent tout. On s'en fout de l'héritage, pris pour les parents quand t'as peur. Dites aux orphelins bah, qu'il leur reste leurs frères et sœurs. Eux t'acceptent avec tes défauts, tes lacunes. Les amis ça va, ça vient, mais une famille on en a qu'une. Le soleil après la pluie. Maman dis-moi si tu...